yeux pirates tapent la pelote, d'hurlevent à sa tête. Des jours de fête, au bord des vagues tape l'hiver, tenant le vin à sa teinte. Des nuits pas saintes. La salle baigne comme il se doit, dans des fumées bleues et troubles. Des bouts de voix, la porte s'ouvre et se referme. Bonjour, salut, fait froid ce soir, qu'est-ce que tu bois? J'aime bien tous ces moments. J'aime bien tous ces instants. Les lampes douces caressent les lèvres, des discussions toujours sans fin, mais que l'on offre, que l'on offre. Pour la déco, t'es pas cloué, je te jure de trois bouées, on s'y croirait. Et puis ces heures qui se consument, passent leur temps et virevoltent comme des plumes. Les lampes douces caressent les lèvres, de discussions toujours sans fin, mais que l'on offre. J'aime bien tous ces moments. J'aime bien tous ces instants. J'aime bien les lampes douces caressent les lèvres, les discussions toujours sans fin, mais que l'on offre. Mais que l'on offre.